Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Moins de la moitié des fertilisants organominéraux nécessaires sont déjà parvenus aux agriculteurs. Le Premier ministre a réuni pour cela divers intervenants. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Le gouverneur de la province Roumongue suspend pour 15 jours l'achat, la vente et l'aménagement d'une parcelle 6 dans la partie litigieuse au centre de formation professionnelle de Birimba. C'est dans la ville de Roumongue. Explication à suivre dans ce journal. Pas d'affluence aux inscriptions des candidats officiers de police à Kayanza. 15 garçons et une fille seulement avaient déjà manifesté leur intérêt à la 6e journée de l'activité ce lundi. Voilà pour l'architecture. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Seules 24 000 tonnes de fertilisants organominéraux ont été fournies par la FOMI aux agriculteurs sur plus de 60 000 tonnes attendues pour la saison culturelle A. Dans une réunion du Premier ministre avec les intervenants dans le secteur, la majorité des directeurs provinciaux de l'agriculture ont montré que l'engrais de type Bagara et Imbura a été bien distribué. Gervais Ndira Kobucha a recommandé au ministère de l'Agriculture de collaborer avec l'entreprise FOMI pour que l'engrais de type urée soit disponible à temps. Son directeur général adjoint Herménégilde Manyangé a précisé qu'ils vont tout faire pour que ces intrants parviennent aux agriculteurs. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. C'était lors d'une évaluation de la saison culturelle C qui a vu la participation des directeurs provinciaux chargés de l'agriculture, les gouverneurs et les administrateurs communaux. Il était question d'évaluer la situation sur la distribution des intrants agricoles en cette période de la saison culturelle C et les préparatifs pour la saison culturelle A. La majorité des DPAE ont expliqué que la saison culturelle C, tout a été bien marché, sauf qu'il y a quelques intrants comme de type Bagara et urée qui n'ont pas été suffisants. Dans les échanges, le directeur général adjoint de la FOMI, Herménégilde Manyangé, a essayé d'expliquer au Premier ministre comment la FOMI a travaillé pour produire la quantité suffisante des intrants, ce qui n'a pas été convaincant au Premier ministre qui a voulu savoir comment ces intrants de type urée parviendront aux agriculteurs à temps. Le représentant de la FOMI a essayé de s'expliquer tout en précisant qu'ils vont tout faire pour que l'engrais de type Bagara arrive à un moment nécessaire aux agriculteurs. Herménégilde Manyangé a rassuré le Premier ministre que la FOMI va essayer d'augmenter la production afin que les 60 000 tonnes d'intrants arriveront aux agriculteurs. Après ces échanges, le Premier ministre burundais a recommandé au ministère de l'Agriculture de collaborer avec la FOMI et de voir comment ils vont distribuer l'engrais de type urée aux agriculteurs. Autre recommandation, il a demandé à tous ceux qui sont chargés d'agriculture dans les communes de se mettre ensemble pour voir si la quantité des intrants demandés seront utilisés comme prévu. Le Premier ministre burundais a invité toutes les autorités à être proches des citoyens pour leur montrer comment ils pourront augmenter la production. Jean-Marie Mayonga. L'achat, la vente et l'aménagement d'une parcelle cisée dans la partie litigieuse au centre de formation professionnelle de Birimba dans la ville de Roumongue sont suspendus pendant 15 jours à partir de ce mardi 5 septembre 2023, sauf pour les récoltes. C'est une décision prise par l'autorité provinciale après une descente effectuée l'après-midi de ce lundi. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Roumongue, dit qu'il s'agit juste de ce délai donné à une commission pour fournir des éclairages sur ce conflit. On l'écoute. Après le constat, nous avons analysé quelques documents en rapport avec Mme Achoué qui était en conflit avec l'école. Elle n'a jamais porté plainte avec l'école. Le représentant de l'école a accepté. Deuxièmement, Mme Achoué a une copie qui a été délivrée par le ministre de la Justice. Après analyser tous ces documents et après avoir analysé aussi le climat qui règne dans l'entourage de l'école, nous avons vu que ça peut causer de l'insécurité et nous avons décidé de mettre une commission qui va travailler dans 15 jours pour donner une lumière. En attendant de connaître le rapport de la commission, nous avons pris les mesures suivantes. La commune nous essaie de mettre en place une commission qui va travailler dans 15 jours, comme je l'ai dit. Cette commission est une commission mixte, y compris les membres de l'administration, ce qui est le représentant du peuple. Deuxièmement, c'est que de suspendre toutes les activités qui étaient en train de se dérouler sur la partie en conflit. Notamment, nous avons stoppé l'achat ou vente des parcelles et la construction des maisons, de nouveaux maisons, etc. Avant qu'on donne le rapport à ce droit. Léonard Nyon Sava, gouverneur de la province Rumonge. Sachez que ce litige oppose d'un côté le centre de formation professionnelle de Birimba dans la ville de Rumonge, dont le directeur brandit un croquis délimitant cette école et une copie de jugement rendu par la Cour suprême, et de l'autre, une femme qui brandit une décision du ministère de la Justice lui attribuant cette parcelle. Restons à Rumonge pour vous dire que l'ex-secrétaire de bureau du parti CNDD-FDD en commune Rumonge est locataire de la prison centrale de Rumonge, dite Murembe, depuis ce lundi. Selon des sources auprès du secrétaire provincial de ce parti à Rumonge, Gilbert Ndayambagé est accusé d'avoir brûlé les papiers justificatifs des différentes cotisations des membres de ce parti en commune Rumonge, fâché de ne pas figurer parmi les organes dirigeants du parti CNDD-FDD en commune Rumonge, récemment élu selon la nouvelle subdivision administrative des communes du Burundi. Certains procureurs détiennent préventivement les prévenus sans avoir réuni les preuves suffisantes, ce qui figure parmi les principales causes de la surpopulation carcérale. Réaction du président de l'Association des volontaires pour la protection des droits de l'homme et spécialement les prisonniers, après que le ministère de la Justice a annoncé que les 11 prisons du Burundi atteignent une population de 12 000 pour une capacité d'accueil excédant légèrement 4 000 individus. Jean-Pierre Nineretse regrette que des fois les acquittés tardent à être libérés. On l'écoute, il est au micro d'Alain Désiré Boukayenet. Les principales causes sont liées au non-respect du code de procédure pénale. La deuxième cause, c'est la mentalité burundaise où on dit que quelqu'un qui commet une infraction doit être emprisonné. Donc, c'est dire que la liberté, c'est le principe et la détention, l'exception. Ça devait être ça. Ça devait être respecté comme tel, parce que c'est prévu par la loi. Mais comment le code de procédure pénale n'est pas respecté dans cette procédure où on voit qu'il y a des OPJ, il y a aussi le ministère public? Le code de procédure pénale n'est pas respecté. La police peut surger le droit d'appréhender quelqu'un de l'emprisonner sans pouvoir réunir toutes les preuves. Et même arriver devant le magistrat instructeur, ils ont l'habitude de détenir le prévenu sans même les preuves tangibles de culpabilité. Ça donne une image que chaque personne qui commet une infraction est susceptible d'être emprisonné. Parmi cette population carcérale figurent également les prévenus qui sont en détention préventive. Il y en a beaucoup dans les différentes maisons de détention. Nous observons qu'il y a des gens qui ont déjà eu gain de cause dans les dossiers, qui devraient être libérés, qui sont encore dans les prisons. Nous respectons de la loi toujours, parce que si quelqu'un est acquitté, il devait être libéré immédiatement. C'était la réaction de Jean-Pierre Nineretse, président de l'Association des volontaires pour la protection des droits de l'homme et spécialement les prisonniers. Sachez que le président de la République s'insurge contre le comportement de certains magistrats qui privilégient l'emprisonnement des gens poursuivis dans des affaires en nous disant patiemment le droit. Évariste Ndayishimiye s'exprimait vendredi dernier à Gitega lors des cérémonies de la rentrée judiciaire 2023-2024. Le magistrat suprême encourage les hommes de droit qui travaillent bien de ne dire rien que le droit. Et à la sixième journée de l'inscription des candidats officiers de police à Kayanza, 16 seulement, dont 15 garçons et une fille, sont sur la liste des inscrits. Certains administrateurs qui dirigent les communes situées loin du chef-lieu de la province demandent que cette activité soit autrement organisée, expliquant que le transport à la recherche des documents et même à la passation des tests leur coûte cher. Les chargés du recrutement en province et Kayanza promettent que cette doléance sera soumise aux instances habilitées pour en tenir compte dans les prochains recrutements. Patrick Senghioum va pour les détails. Selon les données chiffrées fournies par la commission des policiers chargés du recrutement des candidats officiers dans la police nationale du Burundi en province Kayanza, les 16 sont déjà inscrits jusqu'hier à la 6e journée de l'inscription. 4 sont de la commune Kabarole, 2 de la commune Rango, 2 candidats de la commune Gatara, 2 également en commune Utaganzwa, de même que la commune Muruta. La situation se présente ainsi au moment où, selon toujours ces mêmes données, la commune Gahombo et Kayanza comptaient chacune un seul candidat officier inscrit jusqu'hier. La commune Mwanga n'avait jusqu'hier aucun candidat officier sur la liste des inscrits. Les chargés du recrutement des candidats officiers de police à Kayanza informent que parmi les 16 inscrits figure une seule candidate et appellent à cet effet les administratifs de sensibiliser les filles à se faire inscrire dans des candidats officiers de police. Et quant aux responsables du secteur de la santé, de l'éducation et l'administration, cette commission des agents policiers chargés du recrutement en province Kayanza leur demande de faciliter à ces jeunes candidats officiers de police l'acquisition des documents nécessaires pour se faire inscrire. Toutefois, certains des administrateurs communaux ont, dans la réunion du 28 juillet l'année en cours du lancement de l'inscription de ces candidats officiers, demandé que les lois qui régissent le recrutement de ces candidats officiers soient réanalysées. Ils demandent par exemple que ces candidats officiers soient inscrits dans les commissariats de police des communes et de leurs ressorts et que les documents exigés pour l'inscription soient déposés par ceux qui ont réussi les tests et qui ont été recrutés d'ailleurs. À cette doléance-là, les chargés du recrutement des candidats officiers de police en province Kayanza ont promis de la soumettre à des instances habilitées pour en tenir compte dans les prochains recrutements. Depuis Kayanza, Patrick Sengiova pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Les habitants de la colline Kivoga en commune et province Rutana demandent une induction d'eau potable. La Croix-Rouge y est en train d'encadrer la population en rapport avec l'assainissement et la lutte contre les maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène. Ces populations et les autorités à la base craignent que cet encadrement soit sans effet si l'on n'améliore pas l'approvisionnement en eau. Reportage d'Evariste Nzikobanyanga qui s'est rendu sur les lieux. La colline Kivoga est à quelques kilomètres de l'entrée du chef-lieu de la province Rutana. Les habitants de la localité saluent l'encadrement de la Croix-Rouge au cours du mois d'août dernier en rapport avec l'assainissement. L'encadrement bénéfique, selon Hélène Nyawenda, un des habitants de la localité. Moi, j'ai beaucoup bénéficié car ma famille vit dans de bonnes conditions d'hygiène. Nous buvons de l'eau, les casseroles dans lesquelles nous conservons la nourriture sont propres. Nous conservons la nourriture dans un endroit sûr pour éviter des éventuelles maladies de mains sales. Tout le matériel que nous utilisons doit être soigneusement conservé. Même son de cloche avec le chef culinaire de Kivoga, Xavier Ngendambazi, ajoute qu'après cet encadrement, les maladies de mains sales ont sensiblement diminué, explique-t-il. Jadis, l'hygiène n'était pas du tout bonne, mais aujourd'hui, il y a eu une amélioration. Auparavant, on trouvait partout des excréments humains. Et après cet encadrement de la Croix-Rouge, les gens ne défèquent pas dans la nature. Même la santé de la population est bonne. Même si cet encadrement de la part de la Croix-Rouge a porté bon fruit, en ce qui est assainissement à Kivoga, les habitants et les autorités locales déplorent l'insuffisance de l'eau potable. Gabriel Ndilariha, point focal de la Croix-Rouge à cette colline, crie à l'amélioration d'adduction d'eau qui existe. Dans notre localité, les tanks réservés à l'eau sont vides. C'est pourquoi nous demandons aux âmes charitables de venir nous aider à réparer les adductions qui existent déjà. La pénurie d'eau est aussi signalée au chef-lieu de la province Rutana et la population déplore cette situation qui se manifeste à chaque saison sèche. Cette dernière demande cependant à l'autorité provinciale de trouver une solution durable à ce problème. Évariste Nzikobanyanga. Et pour boucler ce journal, l'école fondamentale Karurama 1 en commune Rugombo de la province Cibitoke fait face à différents défis, notamment le manque de bancs pupitres et de classes à 2 semaines de la rentrée scolaire. Manassé Sabiya Rémié, directeur de cette école, fait savoir qu'il faut 10 salles de classe et près de 200 bancs pupitres pour que les élèves ne s'asseyent plus à même le sol. Il appelle le ministère de l'Éducation nationale à soutenir cette école qui accueille un grand nombre d'élèves. Ici, à l'école Fokarama 1, nous avons pas mal de problèmes, surtout comme ça existe pour d'autres écoles. Nous avons un manque criant des locaux, des salles de classe, voire le nombre d'élèves que l'école abrite. Nous avons besoin de salles de classe. C'est pour cette raison qu'on demande aux partenaires, différents partenaires, surtout au ministère de l'éducation, une fois s'il y a moyen de nous venir en aide pour la construction des locaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour le moment? Nous sommes en train de nous organiser. Nous nous organisons pour voir comment nous allons abriter les élèves de l'année scolaire qui va débuter le 18 septembre. Et pour le moment, nous allons essayer de contacter le directeur du CFP Karurama pour voir s'il peut nous emprunter une salle de classe. Si une fois il nous octroie une salle de classe, ça sera mieux. Rappelle que je pense au gouvernement, surtout au ministère de l'éducation et aux autres partenaires qui supportent l'éducation, voir le nombre d'élèves que nous avions l'année passée et le nombre d'élèves que nous allons habiter cette année scolaire 2023-2024. Nous avons toujours un manque criant de salles de classe. Une fois, s'il y a moyen possible, nous demandons aux différents partenaires de nous venir en aide pour la construction des locaux. Voir l'espace que les corps possèdent et voir l'exode rural. Une fois, s'il y a un projet de construction, nous demandons qui peuvent construire les locaux en étage pour aussi la préservation des places. Manassé Nsabi Yareminié, directeur de l'école fondamentale Karurama 1 en commune Rugombo de la province Cibitoke, dont les propos ont été recueillis par Jackson Wahati. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.